à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les théraphim et l'image en fonte, le prêtre leur dit « Que faites-vous ? » Ils lui répondirent « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël ?» Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, le théraphim et l'image taillée et se joignit à la troupe. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Nous devons chercher à entrer en possession de notre héritage, comme le firent les Danites. Mais faisons attention à la manière dont nous allons procéder. La Bible nous enseigne quand Jésus-Christ nous sommes des héritiers de Dieu et nous sommes des co-héritiers avec Christ. Il y a certaines bénédictions que nous n'avons pas tout simplement parce que nous n'arrivons pas à revendiquer nos droits et à entrer en possession de nos droits. Regardez ce qui se passe ici. Les Danites, c'est-à-dire la tribu des Dan, ils n'avaient pas encore d'héritage en Israël. Le verset 1 dit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et la tribu des Dan se cherchait une possession pour s'établir. Car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël, alors qu'ils avaient leur part. Nous devons chercher aussi à avoir notre part. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas créé sur cette terre pour accompagner les autres. Tu as ta part de bénédiction. Oui, en tant qu'héritier de Dieu, cesse de te plaindre et entre en possession de ton héritage. Deuxième vérité, faisons attention à l'esprit de charlatanisme. Vous voyez, souvent cet esprit peut nous hanter et nous pouvons pratiquer cet esprit de charlatanisme, de maraboutage, même au milieu de l'église aujourd'hui, dans l'église. Regardez ce qui se passe ici. Les Danites, ils étaient près de la maison de Mika et ils ont reconnu la voix du jeune Lévite qui était embauché par Mika, qui lui servait de prêtre. Et ils ont commencé d'abord par lui poser des questions. Écoutez les questions. Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Qu'as-tu ici? Ceci suppose qu'ils ont considéré ça anormal, qu'un lévite puisse exercer son ministère dans la maison d'une personne. Et quelle maison? C'était la maison où il y avait l'idolâtrie, des théraphimes et d'autres pratiques idolâtres. Mais regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont demander à l'homme de Dieu qui vivait dans la compromission de leur dire si leur chemin serait bon. Donc ça, c'est le charlatanisme. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens pratiquent la même chose. Lorsqu'ils vont voir un homme de Dieu, ils veulent voir quelqu'un qui va les révéler s'ils seront élus ou pas, s'ils vont se marier avec telle personne ou avec telle autre. Et le message qu'ils attendent, c'est le message du succès. Et justement, c'est Lévite qui vivait dans la compromission, sans même prier. Et regardez ce qu'il va dire. Il va leur dire que vous aurez du succès. C'est ce que beaucoup de gens entendent aujourd'hui. Ça, c'est la compromission. C'est l'esprit du charlatanisme. Il est dit ici, au verset 5, il lui dit, « Consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Le verset 6 dit, « Et le prêtre leur répondit, « Allez en paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Aujourd'hui, c'est le message que beaucoup de gens veulent entendre. Quand ils vont voir un homme de Dieu, il dit, « Tu seras béni, tu seras élevé. Le Dieu des cieux te donnera du succès. » Mais le message qui dit que tu vis dans le péché, tu vis dans la compromission, dans l'immoralité, beaucoup de gens n'aiment pas écouter ce message. Il y a même des gens qui vont d'église en église parce qu'ils cherchent un message qui est favorable. Je vais parler à une dame, écoute-moi bien. Tu as vécu dans l'immoralité, dans la compromission et on a prêché dans ton église un message qui a touché ces choses. Au lieu de te repentir, tu as choisi de quitter l'église, d'aller dans une autre église. Ce n'est pas ça la solution, ma sœur. Ne cherche pas des pasteurs qui vont tout simplement te donner des messages favorables et lorsque tu vas donner de grosses enveloppes. Mais le travail d'un homme de Dieu, c'est de donner les messages à la part de l'Éternel. Même si ces messages apparaître dur, mais c'est pour ton bien, c'est pour te ramener à Dieu et t'aider à marcher en communion avec lui. Regardez cet homme de Dieu encore qui vient dans la compromission. Lorsqu'on va lui proposer d'aller avec lui, il sera content parce qu'il vivait dans la compromission. Pour lui, c'est le gain d'argent qui l'intéressait. Le verset 19 dit, il lui répondit, tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël. Et le verset 20 dit, le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les théraphimes et l'hymen taillé et se joignit à la troupe. Faisons donc attention, même en tant qu'homme de Dieu. Il y a des gens qui peuvent venir pour nous flatter avec l'argent, pour nous dire que tu es le plus loin, tu es ceci, tu es cela. Faisons attention à toutes ces flatteries. Troisième vérité, faisons attention également à l'idolâtrie sous toutes ses formes. Regardez les Danites. Ils étaient toujours dans l'esprit d'idolâtrie. Beaucoup de gens sont animés encore aujourd'hui par cet esprit. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que c'est le fait d'avoir une Bible avec eux et la Bible peut les protéger. Il y a même des gens qui mettent la Bible, par exemple, en dessous du matelas. Ça, c'est l'idolâtrie. Il y a des gens même qui, avant de prier, il faut consulter un homme de Dieu. Avant même d'ouvrir une lettre, il faut qu'un homme de Dieu impose la main. Il faut avoir tel objet, il faut avoir des bougies. Ça, c'est l'idolâtrie. On n'a pas besoin de toutes ces choses. Regardez les Danites, comment ils vont se comporter ici. Ils vont voler les objets du culte de Mika. Il est dit ici, au verset 17. « Et les cinq hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les théraphimes et l'image en fonte pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. » Ils pensaient que ce sont ces images qui peuvent les protéger, qui peuvent leur donner la victoire. Tout ça, c'est l'idolâtrie, bien-aimé. C'est lui qui est capable de nous délivrer. C'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas besoin d'avoir avec vous des objets, d'avoir avec vous des médailles, d'avoir avec vous des choses que vous prenez avec vous, de porter tel habit ou porter tel autre. Ce sont des pratiques idolâtres. On n'a pas besoin de ces choses. Ce sont des pratiques prohibées par la parole de Dieu, par la loi de Dieu. Que Dieu nous aide à nous abstenir de toutes ces pratiques qui irritent l'Éternel. Nous allons le glorifier, nous allons le louer pour sa grâce, son amour et sa bonté. Chantons ces cantiques. Seigneur, ta gloire. tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Gloire à Dieu, élevons nos voix, bénissons l'Éternel et demandons-lui de nous aider à lui rester fidèles, à l'adorer lui seul, parce qu'il est digne de louange, lui le Créateur, lui Elohim, qui a créé toutes choses par sa parole. Élevons nos voix, bénissons-le. Te bénissons, Éternel notre Dieu, toi le Dieu créateur de toutes choses. Tu es le Dieu créateur du monde visible. Tu es le Dieu créateur du monde visible et invisible. Tout a été créé par toi et pour toi. Oh, nous t'élevons, notre Dieu, notre Seigneur, toi qui ne peux être déplacé. Oui, tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Sois béni, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi qui assures notre sécurité. Sois magnifié, toi le Dieu incomparable, le Dieu des peuples sont des idoles. Ils ont des bouches, mais ne peuvent parler, des oreilles, mais ne peuvent entendre, des yeux, mais ne peuvent voir, des pieds, mais ne peuvent marcher. Mais toi, notre Dieu, notre Seigneur, tu es le Dieu qui voit tout, le Dieu qui connaît tout. Tu ne peux être surpris. Oh, sois magnifié, toi qui nous sécurises, sois glorifié, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Oh, nous bénissons ta fidélité, nous te glorifions et nous t'élevons dans nos vies, notre Seigneur et notre Père. Que l'honneur te revienne en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir notre texte du jour, c'est Juges chapitre 18, 1 à 20. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission en consultant notre site web www.radiofréquencevie.com. Je reprends www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir plusieurs vérités dans ce passage. La première vérité, c'est que nous devons chercher à entrer en possession de notre héritage. Comme les Danites, nous sommes des héritiers de Dieu. Tu es co-héritier de Dieu, co-héritière avec Christ. Oui, tu as ta part d'héritage. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu vas prier. Peut-être que tu te sens bloqué. Il y a certaines bénédictions qui t'échappent. Oui, tu vas prier pour dire, Seigneur, je vais entrer en possession de mon héritage. Peut-être que c'est le travail. Peut-être que c'est le mariage. Peut-être que c'est un voyage. Peut-être que c'est la possession d'un terrain, d'une maison. Oui, tu vas prier au nom de Jésus pour prendre possession au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Éternel Dieu, ce matin nous te bénissons et nous te glorifions. Nous disons merci Père éternel pour tous les bienfaits que tu réalises à notre égard. Nous te remercions Père éternel parce que depuis que nous avons cru en Jésus-Christ, depuis que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que l'héritage prévu par toi est notre portion. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous déclarons que tout obstacle à l'entrée en possession de notre héritage est ôté au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous pouvons tout faire par Jésus-Christ qui nous fortifie. C'est un privilège que nous avons et nous prions aussi, Père éternel, que tu nous donnes ce zèle, que tu nous donnes ce courage, que tu ouvres ce privilège pour nous afin que nous puissions jouir de tout cela. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons faire attention à l'esprit du charlatanisme. Oui, les Daniels sont partis consulter un homme de Dieu qui vivait dans la compromission. Et cet homme de Dieu, sans même prier, il leur a donné un message favorable. Vous aurez du succès. Bien-aimés, prions pour les pasteurs, prions pour les prophètes, prions pour les évangélistes, les apôtres, afin que réellement ils puissent se débarrasser de cet esprit de charlatanisme. Lorsque quelqu'un vient nous consulter, que nous puissions donner le message de la part de Dieu. Même si ce message est dur, mais que ce soit un message qui aide les gens à marcher la crainte de Dieu et non à faire de la divination ou du charlatanisme. Prions le Seigneur pour briser cet esprit au nom de Jésus. C'est avec beaucoup de joie ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, te louer, t'adorer, t'acclamer, t'exalter, te magnifier, te psalmodier, notre Dieu, notre Père. Parce que ta parole est la lumière. Ta parole, notre Dieu, est une épée. Ta parole, notre Dieu, est vie. Elle est vérité. Et nous sommes habités par le Saint-Esprit ce matin. Nous expérimentons qu'il y a des prétendus serviteurs de Dieu qui se comportent comme des devins, qui se comportent comme des charlatans, comme des spirites, comme des médiums, comme des occultistes, comme notre Dieu, notre Père, des personnes qu'on vient consulter, qui tombe en transe et qui dit des paroles. Seigneur, nous ne voulons pas de cela dans nos églises. Nous ne voulons pas cela dans nos ministères. Nous voulons des hommes de Dieu établis par Dieu lui-même qui s'appuient sur ta parole. Que ton feu s'allume et que Seigneur, cet esprit soit chassé du milieu de nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Cet esprit soit banni du milieu de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton peuple soit édifié par ta parole, par l'action de ton esprit. Et que un feu étranger soit éteint maintenant par le sang de Jésus-Christ dans nos milieux. Sois béni, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que nous devons nous débarrasser de l'esprit d'idolâtrie. Il y a des gens qui pensent que ce sont les objets, les images qui peuvent les protéger. Beaucoup de gens vivent encore selon les traditions ancestrales où ils doivent garder telle eau, telle bouteille. Nous n'avons pas besoin de ces choses. Tu vas prier le Seigneur pour que l'Église se débarrasse de cet esprit qui de plus en plus prend la place au sein du corps du Christ. Prions au nom de Jésus-Christ que nous puissions placer notre confiance en l'Éternel, le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, ce matin. Le psaume 125 dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Et des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Seigneur, devant la multitude de la véracité de ta parole, nous nous détournons. Nous aimons les raccourcis. Nous prenons des objets et nous les dédions, nous les fabriquons, nous imposons comme notre Dieu. Nous prenons des images, nous prenons des instruments, des choses et nous avons une certaine foi en ces choses. Nous voulons, Père, ce matin, que tu nous donnes l'esprit de Gédéon qui a renversé les autels, les Baals, les démons, l'idolâtrie de ses parents. Ce matin, donne-nous de détruire tout Dieu autel, toute idole de nos parents, de nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'invoque ce matin, Père, afin que tu nous délivres, tu nous préserves de la méchanceté humaine, que tu nous préserves de toutes les personnes qui veulent nous dicter d'adorer, de faire des choses contraires à ta pensée. Merci, Saint-Esprit, par ton pouvoir, donne-nous de marcher dans le triomphe, donne-nous d'être distingués, donne-nous d'être bénis, donne-nous, Seigneur, de vivre selon ta parole et les principes de ta parole pour révoquer, pour renoncer à l'idolâtrie et tout ce qui s'apparente à toutes ces choses du diable. Et qu'on sache et qu'on voit la différence entre ceux qui invoquent le véritable Dieu et ceux qui marchent selon les pensées de ce monde. Merci de fortifier notre foi. Merci de nous aider. Merci de nous guérir. Merci de nous délivrer. Merci de nous visiter. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons notre rendez-vous hebdomadaire Bonheur Conjugal pour les célibataires. C'est pour ce dimanche 1er novembre au CPE, dans la même cour que la radio Fréquence Vie à Cocody, Cité des Arts. Thème, l'important de la sanctification avant les mariages. Cet enseignement sera suivi par un moment intense de prière. Ne manque pas à ce rendez-vous. L'entrée est libre.